bas, enchaîné dans ma cage. J'ai pas baissé les bras, j'ai lutté au courage. J'ai pas peur de la vie, car elle sait que j'en bats. Pourquoi désespérer, j'ai le mort, je me battrai sans relâche. J'ai besoin de respirer, de vivre, pas de galérer, tu suis. Trop de complications me suivent, et ça m'embave. J'écris mes amertumes, sans aucune rancune. J'étais pas leur osé, mais j'ai pas l'esprit d'infitune. Je fais avec les moyens du bord, pas de ceux qui se plaignent sans cesse, qui se vantent ou même qui se la racontent. J'aime les gens simples, moi, et même si je perce, moi, je m'en bats les steaks, moi, car je sais d'où je viens. Et je me débrouille, pleure pas sur mon sort. J'ai la foi, je sais qu'un jour j'aurai le confort. Ouais, le destin nous kiffe, je veux pas vivre ta belle vie. Laissez-moi dans ma cermie, m'en sortir sans le pif. Malgré nos ennuis et malheurs, le destin nous kiffe. On a la foi car dans nos cœurs, le destin nous kiffe. On garde l'espoir car on sait que le destin nous kiffe. On se tape dur, c'est pour ça que le destin nous kiffe. Love, love, love, love, le destin nous kiffe. Love, love, love, love. Malgré nos ennuis et malheurs, on a la foi car dans nos cœurs. Le destin nous kiffe, négro arrête tes blagues. Pourtant je m'y accroche, et putain c'est pas des blagues. Sérieux la vie me les brise, les doigts à deux doigts de la prise. 93 en part de Bastos à travers son pare-brise. Atteindre mon objectif, mettre la daronne à la brise. Sentir la rose, verre de rosé, me poser, me reposer. Toujours un œil ouvert, aux aguets d'un billet vert. Frère même en profond sommeil, comme une télé je reste en veille. Comme toi j'ai vu la concert d'orientation. Alex très bien son métier, vu qu'on est tous à la cité. Je préfère mettre un pied dans la bouse que dans une boîte douce. Gros PN t'es sur la blouse, mais mon chiffre un peu partout. Car rien n'est gratis, même pas la chatte à Clarisse. En manque de rallye, j'ai mis en l'aise mon pénis. Une bosse d'agra, verre de pastis face à ma 3-6-9-3 des puisses, et que Dieu nous bénisse. Malgré nos ennuis et malheurs, le destin nous kiffe. On a la foi car dans nos cœurs, le destin nous kiffe. On garde l'espoir car on sait que le destin nous kiffe. On se tape dur, c'est pour ça que le destin nous kiffe. Love, love, love, love, le destin nous kiffe. Love, love, love, love, le destin nous kiffe. Malgré nos ennuis et malheurs, on a la foi car dans nos cœurs.